As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut et bienvenue à une autre édition de Subversion, celle du 19 février 2016. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Aujourd'hui, émission relativement chargée, puisque, comme vous avez pu le constater dans l'intro, cette espèce d'interférence annonciatrice de ce spécial Metal for Breakfast, une deuxième rencontre avec notre ami Mike TMG, avec lequel nous discuterons et analyserons de fond en comble les dernières parutions de Megadeth et de Dream Theater. En fait, je dis de fond en comble, c'est jusqu'à temps que la sécurité vienne nous éjecter cavalièrement de ce restaurant à Terrebonne. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais, restez avec nous pour le savoir. Restez donc assis, là. Prenez-vous une bière, un café sur le cinéma, oubliez ça. Restez avec nous jusqu'à 19h30. Puisque, autre bonne raison, c'est que, oui, on aura une nouvelle pièce de Watchtower qui paraîtra sur un EP qui sortira sur Prosthetic Records, une excellente nouvelle qu'on a eue cette semaine. C'est pas exactement sous la forme qu'il avait déjà été annoncé il y a 20 ans. On sait qu'il devait sortir cet fameux album Mathematics, mais qui n'a jamais vu le jour. Alors là, il y a du matériel qui commence à sortir enfin. Et est-ce que ça sortira sous la forme de deux EP? On verra bien. En tout cas, ce qui est officiel pour le moment, c'est ce premier EP qui s'intitulera Concepts of Math. Book One, donc on en reparle en détail plus tard dans l'émission, et aussi de cet album 30e anniversaire, celui de King Diamond, Fatal Portrait, donc oui, on soulignera aussi cet album. Donc pour se rendre jusque là, on va y aller avec trois formations américaines de la côte est qu'on n'entend pas parler souvent, la plus connue étant Riot, avec justement une pièce d'un album qui a célébré son 35e anniversaire ce mois-ci, c'est-à-dire Fire Down Under. On aura Melia Rage de Boston en demande spéciale, mais pour commencer, Toxic de Westchester, New York, Toxic, qui est un groupe de trash technique, un peu justement dans la veine avec leur deuxième album qui nous offrait un mix intéressant de Watchtower, de Coroner, du moins musicalement et thématiquement, mais quand même à leur propre sauce, parce que bon, eux autres étaient dans une progression quand même assez étonnante à ce moment-là. Leur premier World Circus, qui était un album un peu plus trash basic, si on veut. Donc, avec celui-là, progression intéressante. Alors, trêve de blabla, allons-y avec un extrait de cet album, Think This. La pièce est en Greed. Alors, voici Toxic. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Québec Radio. Bien entendu, une très bonne pièce de Riot, Fire Down Under, la pièce titre de leur album de 1981, leur troisième, qui est sorti, oui, le 9 février 1981, donc il fête son 35e anniversaire. Ça comportait évidemment la formation, je dirais pas nécessairement classique, mais oui, avec Mark Reel, le guitariste fondateur, le regretté Mark Reel qui nous a quitté en 2012, ainsi que le vocaliste Guy Speranza qui lui est parti en 2003. Ça avait été enregistré au Green Street Recording à New York et c'était une couple d'années là, avant leur séparation en 84. On sait que ça allait pas très bien pour eux à ce moment-là. Moi, j'ai pas bien suivi le groupe depuis là. Après Restless Breed, là, je n'ai plus entendu parler pendant un bout. Après quelques reformations, ils ont sorti quand même des bons albums, notamment le batteur Bobby Jarzombek, un gars de San Antonio qui est nul autre que le frère aîné de Ron Jarzombek de Watchtower, qu'on va entendre justement dans le prochain bloc. S'était joint à la formation au milieu des années 80, vers 87. Et puis, en tout cas, le dernier album qu'ils ont sorti, je ne m'abuse, est-ce que c'était en 2014? Bref, le dernier ne comportait plus aucun membre original. Donc, peut-être moins digne d'intérêt en ce qui me concerne. Bref, de très bons souvenirs, ça a très bien vieilli, Fire Down Under. Avant ça, dans le bloc, on avait eu ce groupe de Boston, Melga Rage, avec la pièce No Mind tirée de l'album Solitary Solitude de 1990. Et ça, c'est une demande spéciale pour mon ami Steven Paquin à Rouyn-Noranda. Donc, je pense qu'il me semble qu'il voulait avoir la pièce titre de l'album, mais bon, j'ai pris les devants et j'ai décidé de faire jouer la pièce No Mind parce que justement j'avais in mind de faire jouer une pièce de cet album alors qu'il m'en avait parlé par l'entrefaite, fait que bon, je t'envoie. C'est avec plaisir que je t'ai envoyé cette pièce et j'espère que tu t'amuseras très bien dans ton nouveau studio. Oui, avant, au début du bloc, on avait eu Toxic, cet autre groupe new-yorkais, avec la pièce Greed tirée de l'album Think This, leur deuxième de 1989. Alors, comme je disais, dans le bloc qui s'en vient, en fait, deux pièces seulement, on aura, comme j'avais mentionné, Watchtower, avec ce nouveau single qui, écoutez bien ça, vous aura sûrement oublié la sortie imminente, voire catastrophique, de Simple Plan aujourd'hui même. Alors, évitez, sortez pas de chez vous, évitez les Walmart et centres d'achat, Et éviter toute circulation, finalement, ça risque d'être le Simple Plan Apocalypse. Inquiétez-vous. Barrez les fenêtres. Restez en sécurité. Bon, le temps que ça passe, cette folie-là, ça va être affreux. En tout cas, bon. Bon, parlons de quelque chose de plus intéressant, cet album de King Diamond qui fête son 30e anniversaire cette semaine, Fatal Portrait, le premier, sorti le 17 février de 86. Évidemment, ça comportait le line-up classique, hein, avec King à la voix, Andy LaRocque, guitare, Michael Denner, guitariste, et Timmy Henson à la basse, ces deux derniers de Merciful Fate, et Mickey D, ce batteur qui est devenu plus tard celui de Motorhead pendant de très longues années. 4 des 9 pièces sont reliées entre elles pour relater un récit d'épouvante sur cet album. Le narrateur de l'histoire libère l'esprit d'une petite fille appelée Molly, qui lui raconte son histoire vécue 7 ans auparavant. Sa mère, qu'il avait gardée emprisonnée dans le grenier jusqu'à ce qu'elle meure à l'âge de 4 ans, a peint un portrait de sa fille en l'accrochant au-dessus du foyer afin qu'elle devienne immortelle. Cependant, Molly fait parler le portrait afin de lui communiquer la souffrance qu'elle a vécue. La mère brûle alors le portrait et se voit par la suite hantée par l'esprit de sa fille, comme King relate dans la pièce de clôture de l'album « Haunted ». Évidemment, cet album allait être un présage à une série d'albums concept intrigants comme Abigail, Dem, Conspiracy, tout en accentuant davantage la substance musicale et le niveau du musicianship. Toujours bien la facilité avec ce mot-là. Musicianship. Donc, oui, c'est avec plaisir qu'on retourne, je vous convie, en 1986. Avec la pièce, on pourrait dire que c'est la pièce titre de Portrait, de cet album Fatal Portrait, King Diamond à Subversion. We'll be right back. Station sur Underground Québec Radio. ça c'était très bon. J'avais bien hâte d'entendre ça. Une nouvelle pièce de Watchtower, enfin, Technology in Action. Pièce qui est digitalement disponible depuis octobre, en fait, 2015, mais qui se retrouvera sous forme d'un album physique, un EP de 5 pièces, Concepts of Matt Book 1. Est-ce qu'il y aura un Book 2? Ça pourrait peut-être être la réincarnation du fameux album Mathematics qu'on nous promettait depuis au moins le milieu des années 90 là, pour faire suite au classique Control and Resistance de 89. Donc, ce serait un EP de 5 pièces que Prosthetic Records nous promettent à sortir sous peu. Évidemment, Watchtower, c'est un groupe qui a été formé à Austin, Texas, en 82. Les frères John Zumbeck, eux, viennent de San Antonio. Je croyais que le band avait été formé là, puisque, bon, justement, Ron John Zumbeck, le guitariste, avait aussi joué avec le fameux Slayer du Texas, là, qui avait sorti leur album Prepare to Die, presque en même temps que le Show No Mercy de Slayer, du Slayer de Los Angeles. Bref, oui. C'est des Texans, ça y a pas de doute. Et sur ce nouvel album, nous retrouvons ce fameux line-up de 87 avec Alan Tecchio à la voix, Roger Zumbeck guitariste, Doug Kayser bassiste et Rick Colaluca aux drums. Donc ce fameux groupe qui a brisé des barrières avec le fameux Control and Resistance. Une espèce de blueprint de jazz metal, de metal fusion comme on n'avait jamais vu auparavant. Alors, c'est bien plaisant de constater qu'ils veulent poursuivre dans cette voie et ils le font de très bonne façon. Pour les non-initiés, ça pourrait sonner comme du Symphony X hyper compressé ou du Blotted Science en moins extrême mais avec un vocal chanté. Côté sonorité, évidemment, on est plus près des albums issus des autres projets de Charles Zumbeck, dont Spastic Inc. Et justement Blotted Science, mais bon, que le Watchtower classique, malgré l'intention claire de poursuivre dans la voie de, comme je disais, qu'on avait commencé avec le fameux Control and Resistance. Bien que ça faisait 2 décennies qu'on nous promettait la sortie de l'album Mathematics, il n'a jamais vu le jour. Et puis, entre-temps, ben, Charles Zumbeck, un véritable dynamo de virtuosité et de créativité, n'a pas chômé en nous partageant de nombreuses expériences. Vraiment, Ron Charles Zumbeck, c'est vraiment un de mes top 5 guitaristes à vie, je dirais. Et si... vous savez, il y en a qui se demandent toujours dans les super-héros de Marvel ou de DC, peu importe, quel super-pouvoir j'aimerais pouvoir hériter. Eh bien, moi, si on aurait voulu m'approprier un super-pouvoir, ce serait celui de Ron Charles Zumbeck, ce guitariste incroyable et d'exception, vraiment. Ça c'était pour Watchtower. Juste avant, on avait eu King Diamond avec The Portrait, pièce figurant sur évidemment Fatal Portrait, qui célèbre son 30e anniversaire cette semaine. Nous sommes à la mi-temps. Il est déjà 7h05. Alors on y va pour ce fameux spécial, en fait ce Metal for Breakfast avec mon ami Michel Monette, alors qu'on s'est rencontré une deuxième fois dans ce fameux restaurant et à la même banquette de surcroît. Oui, la madame, on dirait qu'elle savait qu'on s'en venait. Et puis, c'est ça, je vous laisse là-dessus. On a le temps pour une pause? Oui, après la pause, donc, ce Metal for Breakfast. Metal for Breakfast, Metal for Breakfast, Metal for Breakfast, Metal for Breakfast. Au restaurant La Vieille École, redécouvrez la retenue avec notre brunch du dimanche qui mérite 3 étoiles. Un plaisir gastronomique qui se partage en famille ou entre amis. Le restaurant La Vieille École. Allez-y sans faute. Sans faute. Sans faute. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette. The Metal Guy. Thank you. Donc, nous sommes en direct de cet établissement, encore une fois, à Terrebonne, pour un autre Metal for Breakfast, comme on l'avait fait à Noël. Cette fois-ci, c'est à la Saint-Valentin. Il n'y a aucun rapport à faire entre les deux ou entre rien du tout. Mais nous voici encore une fois à cet endroit pour discuter de certains disques, en compagnie évidemment de mon ami Michel Monette. Bien. Bonjour, Sylvain, tu reviens aujourd'hui, ça vient déjeuner, oui, l'omelette était bonne. Même chose la dernière fois. Fantastique. Michel, qui juste avant de partir le micro, est en train de sentir le dedans de la pochette de Megadeth. Pour certifier si c'est une copie US ou une copie européenne. Moi, je vais m'assurer de la qualité parce que moi, je suis encore un gars qui achète les rondelles. J'achète les disques ou des fois même les vinyles aussi. Fait que c'est le fun de déballer l'emballage, de sentir le téléphone puis de s'assurer que... Ouais, c'est ça. Ça, vaut la peine. Ça se fait encore d'ailleurs à l'époque digitale. Hein? Claude Rajotte l'a confirmé dans une entrevue récemment avec Benoît Dutrissac. Alors, c'est pas juste... Il disait sniffer de pochette, mais c'était pas juste pour les vinyles, c'était pour les CD aussi. Effectivement. Moi, j'aimais sniffer mes pochettes, l'encre. T'es sniffé de pochette? Absolument, ça. Je sniffe les pochettes. Moi, j'aime les odeurs d'imprimerie, j'adore ouais. Ça, les pétroles. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler non pas seulement du premier album de Kathleen, mais merci pour le cadeau en passant. Ah, ça fait plaisir. Pour ceux qui, en tout cas, vous avez peut-être vu la photo, j'ai donné à Sylvain l'album de Kathleen, album éponyme, sorti en 91 sur l'étiquette Sony Canada. Avec des hits comme Si tu veux, regarde bien, travailler et si bien faire du mal. Ouais. En tout cas, chante mal, mais bref, c'est son premier disque. Puis le deuxième était peut-être un peu plus connu avec la tune Ça va bien. Bon, OK, d'accord. Bon, OK, c'était. Je dois dire aux auditeurs que c'était pas prévu qu'on parle de Kathleen, mais si tu veux, vu que tu en parles, je vais prendre 15 secondes pour en parler moi aussi. Ma seule déception jusqu'à date, avant même de l'avoir écouté, c'est que la pièce travaillée, c'est même pas un cover de Pagliaro. Ça, je m'attendais au moins à ça de Kathleen, mais bon. L'hiver ou l'été, tout ce à quoi il pensait travailler. L'hiver ou l'été. Bon, mais on va parler de Dream Theater tout de suite. On parle aussi de Megadeth, hein? Le nouveau Megadeth et le nouveau Dream Theater. Donc, la dernière fois, on avait parlé de 44 albums de marde à déconseiller pour acheter à vos proches pour Noël. Donc, cette fois-ci, c'est une formule un peu plus simple. On va se contenter de se concentrer sur deux albums qui ont vu le jour récemment, soit Dream Theater, The Astonishing et Megadeth, Dystopia. En tant que grand amateur de Dream Theater, quand même depuis assez longtemps, j'ai choisi que j'avais des grandes attentes pour celui-là, puisque le dernier album, l'album éponyme, m'avait laissé un peu sur ma faim. J'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu faire comme Rush en fait dans les années 80, simplifier un peu la patente, tu sais, puis de rendre ça un petit peu plus, je dirais pas accessible, mais plus facile d'écoute, là, un peu comme un Singles ou un Grace Under Pressure, là, si on compare à ce qu'ils avaient fait avant. Moins de sophistication, mais bon. Juste pour remercier les auditeurs, on parle de Dream Theater en 2013. Là. C'est ça, oui, 2013. Donc, avec celui-là, avec ce qu'on nous promettait, l'album concept et tout, on nous promettait déjà quelque chose de grandiose et d'épique. Il y en a qui considèrent ça comme un opéra rock. Et c'est pas mal ça que c'est, finalement, mais la question essentielle est est-ce que je suis déçu, est-ce que je suis satisfait? Je te dirais plutôt qu'à première écoute, après une première bonne écoute, je suis un peu déçu, même pas mal déçu, parce que c'est pas le déroulement que je m'attendais. Du moins, c'est pas la façon que je m'attendais que Dream Theater me raconte une histoire, surtout au niveau de musical, si on veut. Moi, j'ai eu tendance à séparer l'album en quatre. À mon avis, la troisième partie, si on sépare l'album en quatre, le troisième quart est vraiment le vrai Dream Theater, tant qu'à moi. C'est-à-dire le début du deuxième acte, la première moitié du deuxième acte. Il faut retourner au concept. Apparemment, John Petrucci s'est inspiré de la comédie musicale Les Misérables, de Jesus Christ Superstar et de sagas telles que Le Seigneur des Anneaux et compagnie pour créer cette histoire-là. Une histoire qui se situe dans 300 ans dans un monde gouverné par des tyrans. La musique y est produite par des Nomac, c'est des petits drones qui produisent de la musique électronique. Et dans ce monde, il y a un jeune homme qui naît avec le don de la musique. Bon, quand on parle de ces drones-là, en apparence, ça date des machines de guerre, comme dans le film de Tom Cruise avec le film Oblivion, en fait, qui sont vraiment des machines de guerre, des espèces de gardiens d'un territoire inconnu, extraterrestre. Des machines vraiment fascinantes. Et curieusement, sur l'album, l'autre album qu'on va parler, celui de Megadeth, on voit les drones pratiquement dans la même... de la même forme, de la même famille, mais... C'est vraiment la même chose. Hein? Oui, sauf que dans le cas de Dream Theater, c'est des machines qui produisent de la musique, une espèce de flatulence électronique un peu incompréhensible, en tout cas pour nous, à notre siècle. L'affaire, c'est que je pense que pour les albums concept, la règle à respecter, je pense que c'est la bonne balance entre le contenu lyrique, le contenu de l'histoire, le film, et la musique, mais que la musique va rendre service au film et vice-versa. Donc, il va y avoir un équilibre qui fait que ça, le film va pas tout absorber la substance de la musique à son détriment. Donc, ça va rester comme... dans le cas de Dream Theater, ça, si on respecte la règle, ça va rester lourd, ça va rester aussi... efficient, je perds mon français, efficace que ça a toujours été et que ça dénaturera pas le discours habituel de Dream Theater. Et je pense que ce qu'avec The Astonishing, ce qui est malheureux, surtout pour le premier CD, le premier acte, je pense que on se perd pas mal dans le movie score. Et Petrucci puis Rudess, j'ai écouté une entrevue avec le gars de Los Angeles, Eddie Trunk, puis ils l'ont avoué dans l'entrevue avant la sortie de l'album que ils se sont aperçus qu'il était en train de faire littéralement un movie score pour bien répondre à l'histoire. Ça a été avoué, ça a été ressenti dans le processus, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop loin. En écoutant le premier acte, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas affaire à un classique du genre, tu sais, ni un Metropolis, ni un Change of Season. Je devrais peut-être mentionner les albums concept de saveur fiction surréelle de Irayon, de Ariane Lucassen, comme The Human Equation ou 01011001. Oui, c'est le titre d'un de ces albums. C'est un peu dans cette façon de faire-là que j'aurais aimé qu'il puisse s'illustrer, tu sais, mais bon. Donc, pour moi, c'est pas un album de Dream Theater typique. On devait pas s'attendre à ça, mais dans le bon sens, tu sais. Sauf que là, ça brise le rythme. Tu sais, là, il y a beaucoup d'intro puis d'intermède à saveur. Tu sais, le petit piano dans les annonces de T-Salada ou les petites guitares style mandoline qu'on entend dans les publicités sur YouTube. Là. Tu sais, là, les aspects de pub qu'on veut pas voir, là? Ben, il y en a à répétition de ça, puis je trouve que ça l'affecte le rythme. Si on peut parler de rythme, parce que, il y a une tonne qui commence en force, puis après ça, le rythme, tout est cassé, tout est dilué. Fait que ça rend l'expérience pénible, à mon avis, du moins pour le premier acte. Le deuxième, on s'entend que c'est là que ça se passe, là. Puis c'est comme dans les bons téléromans, hein, quand la marde appogne. Autrement dit, quand les conflits commencent à rentrer puis ça s'assombrit, ben habituellement c'est là que c'est le plus intéressant. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Oui, Sylvain. Oui, Sylvain. Fait que le deuxième CD est vraiment plus intéressant. Si mettons on cible les tracks 2, 5, 6, 7, 8, là. Fait que vraiment la première moitié du deuxième CD. Globalement, c'est un album qui a beaucoup de longueur. Est-ce que c'est parce que je comprends pas encore? Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris la peine de lire toute l'histoire, mettons, tu sais, graphiquement, vraiment de regarder puis de lire tout le scénario en écoutant la musique que je vais finir par apprécier plus? Mais si on écoute des pièces comme The Path That Divides ou The Walking Shadow, c'est vraiment les meilleurs moments de l'album, à mon avis. C'est les deux pièces qu'on va entendre dans l'émission, évidemment. C'est un peu plus dans la veine de Train of Thought. Fait que on parle d'album The Astonishing sur 34 tracks et peut-être 5 tonnes heavy. Vraiment. C'est. Ouais. Je viens de voir Michel ici qui s'écarquille des yeux devant cette affirmation, mais c'est ça la réalité. on s'entend que c'est un band qui a un potentiel pour nous surprendre. Moi, je parlais de Dramatic Turn of Heaven. Ça, c'est un album qui m'a vraiment... Ça m'a vraiment fait triper parce que... Il a vraiment, ils ont vraiment payé la traite là, en termes de substance et de virtuosité. Là, là je pense qu'on a juste payé tout simplement un trip musical accompagné d'un film qui n'existe pas. Donc, ils ont fait de la musique pour un film qui n'existe pas. C'est, y en a qui savent bien le faire. Eux autres, ils sont capables de bien le faire, mais il y a une débalance, comme je disais, au niveau de tout ça. Donc, c'est sûr, on va entendre les, à mon avis, deux des meilleurs moments du troisième quart de cet album, The Astonishing. We'll be right back. de ce nouvel album The Astonishing, The Walking Shadow, de ce nouvel album de Dream Theater, cet album double. C'était précédé de The Path That Divides, qui figure aussi dans la première moitié de ce deuxième acte de ce nouvel album. Un autre des très bons moments, un des très rares bons moments de l'album, malheureusement, qui m'a beaucoup déçu. Et là, je sais que je nage à contresens de tous ces critiques qui ont encensé littéralement ce nouvel album. Qu'est-ce que j'ai pas compris là-dedans? Moi, je sais une chose, c'est que quand vous vous rappelez quand que le Book of Souls d'Iron Maiden est sorti, tout l'engouement, toute la frénésie qu'il y avait autour de cet album-là, après sa sortie, avez-vous remarqué qu'on n'en parle plus là, déjà? C'est juste pour vous dire que ça ne deviendra pas, oubliez ça, là, un classique comme 2112 ou même à la limite Metropolis Part 2, non. Ça, je crois pas à ça. Je pense pas que ça va traverser le temps au même titre. Je pense pas qu'on ait à faire un des meilleurs albums de Dream Theater. Au contraire, sûrement, à mon avis, un des moins bons. Un des plus difficiles à comprendre pour le moment. Alors, nous verrons bien pour l'avenir. Oui, on y va pour une autre pause publicitaire et ensuite de retour au Metal for Breakfast pour un autre café. Hey, Tex! Toi, là, qui fais des tournées partout au Québec, dis-nous donc, là, ce qui t'impressionne le plus. Les gens de chez nous, des gens comme toi, comme moi, toi, toi. Alors, regarde bien. Quand on est Québécois, on est fier de son choix. Et parce qu'on a du goût, la Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. La Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. T'as vu, là? Ça, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Salut! Donc, nous sommes de retour dans cette super cathédrale du manger, du déjeuner, je devrais dire, en cette veille de la Saint-Valentin, toujours en compagnie de Mike TMG, Michel Monette lui-même, qui, en tout cas avec la pile de CD de Megadeth qu'il a devant nous sur cette table, est sans contredit un fan du groupe et connaît très bien le groupe et il va nous en parler avec détail, et en particulier de ce dernier album, Dystopia. L'album, vous savez, Dave Mustaine, c'est un musicien qui a une très bonne constance, mais qui est aussi inconstant. C'est-à-dire qu'il fait des bons albums, fait des mauvais albums. Fait qu'il y a comme un rythme, il y a comme un pattern. Par exemple, si on regarde ici seulement la discographie depuis l'an 2000, on commence avec The World Needs a Hero, qui est un excellent retour, parce qu'avant c'était Risk, donc on n'en parle pas. On en a assez parlé de Risk d'ailleurs dans notre dernier déjeuner. Oui, effectivement. Donc, on a un retour avec The World Needs a Hero. Ensuite, ça vient s'étoffer avec The System Has Failed en 2003, qui est sûrement le meilleur depuis Rust in Peace. Ensuite, on a United Abomination, qui vient encore renforcer cette domination au niveau de légende, au niveau de thrash metal, qui sont encore capables de produire avec autant musicalement qu'au niveau de la production. Mais finalement, quand on regarde l'ensemble de la carrière depuis les 15 dernières années, il y a vraiment deux titres qui étaient oubliés. Ce serait 13 et Super Collider, qui sont très, très collés dans leur discographie. Donc, on parle de 2011 à peu près à 2013. Donc aujourd'hui, en 2015-2016, on a Dystopia, qui est un album qui est super bien, qui est très, très, très bon. Puis ce qu'on parle, moi, quand je l'écoute rapidement, ça ressemble aux avant-derniers. Donc je le mets très proche de Endgame et de United Abomination, mais qui pourrait aussi très bien fuiter avec un Countdown to Extinction moderne. Juste si on suit sur la pochette, alors on parlait de Dream Theater avec les petits droïdes qui agissent un peu en tant que genre espion dystopien, sûrement engagé par un gouvernement secret. L'album Dystopia, c'est ça aussi. On voit Vic, la célèbre mascotte, oui. Vic Rattlehead, qui semble être à côté du pont qui ressemble un peu au pont de Brooklyn. On reconnaît le pont Champlain, évidemment. Oui, définitivement. Avec toutes les ruines qui s'y rattachent. Puis la tête ici, la tête arrachée qui pourrait être la tête de Madame la Liberté. Est-ce que ça me semble? Ah, je pensais que c'était Denis Coderre. Non, bon, la ressemblance est quand même assez proche. Ah non, bien à regarder, on dirait plutôt Jean Charest. Ah, ouais. fait que c'est là qu'on est rendu avec Megadeth. On sait que Dave Mustaine a toujours une très forte position politique sur tout ce qui est actuel, que ce soit national ou international. Yeah. Ouais. Et puis ça se répertorie très facilement quand on regarde les titres comme The Threat Israel, Dystopia, Bullet to the Brain, Post-American World, et finalement, l'avant-dernière pièce, The Emperor. Oui. Quand tu écoutes cet album-là, sans savoir que c'est lui qui joue, est-ce que tu peux-tu reconnaître sa signature? As-tu écouté assez Angra pour dire est-ce que je reconnais Kiko Loureiro ou ben non, penses-tu qu'il était un peu, comme je disais tantôt, formaté pour répondre justement au discours de Dave, discours musical? C'est très difficile à dire parce que tu vois, pour ce qui est de Megadeth, c'est un Dave Mustaine Project depuis 82. Donc, il y a bien des lead guitars qui ont passé là-dedans. Et puis, tout le monde le sait, le seul qui a réussi à se démarquer et avoir sa signature originale, c'est vraiment Marty Friedman. Donc, depuis ce temps-là, on en a eu plusieurs. Et Chris Broderick, le dernier, était excellent. Excellent. Mais là, savoir si c'est vraiment leur signature qui sont mis sur tape ou c'est dicté par un certain David, ça, on ne saura jamais. Mais d'abord que musicalement, ces gars-là font partie de l'élite du rock'n'roll. Absolument. En termes de pièces, moi, j'ai choisi Dystopia, la numéro 2, et Post-American World, la numéro 6. Puis quand on... Tout à l'heure, j'ai mentionné certains titres qui démontrent, je pense que facilement, le mood de l'album, un mood qui est très, très dark, très sombre, très post-World War III, quasiment. Donc, c'est ce que Dave Mustaine nous présente avec ce disque, sorti sur leur propre étiquette de disque, Tradecraft, c'est l'étiquette de Dave Mustaine. Donc, vous voyez, Super Collider, c'est le premier, 13, c'est le deuxième, puis le troisième, c'est une sortie officielle. Donc, Megadeth sont sans étiquette de disque officiellement. Ce qui semble être la mode ces temps-ci, depuis les 5-6 dernières années. Oui. Puis éventuellement. Peut-être pour avoir un meilleur contrôle sur son œuvre. Effectivement. Parce que la game, c'est comme la endgame est en train de changer. Quel jeu de mots fracassant. La endgame a définitivement changé avec tout ce qui est de l'industrie du disque. Donc, à ce moment maintenant, même des majors, tout ce qui était des majors, sont indépendants, mais gardent justement le contrôle avec leur propre étiquette de disque in-house. Et en tout cas, pour ce qui est du matériel, je suis vraiment pas déçu. Au contraire, je me suis aperçu que, contrairement à d'autres albums de Megadeth, où la redondance commence à s'installer un peu, tu sais, des fois, il y a des albums qui commencent en canon, et ça donne le ton, et à un moment donné, ça finit par s'essouffler après dans la deuxième moitié de l'album. C'est pas le cas avec celui-là, je pense. Définitivement non. Non, parce que je regardais, à partir de l'instrumental, là, ça commence à clencher un peu plus. Là, je pense que la tune d'après, si je me trompe pas, la Lying in State, il y a du gros double brace drum dedans. On dirait du Arch Enemy, tu sais. Ben, du bon Arch Enemy. Puis là, j'ai fait comme. Là, je regarde le lecteur dans mon char. Wow, qu'est-ce qui se passe là, track 9, tu sais. Je suis pas habitué d'être surpris, rendu à ce stade-là de l'album habituellement. Puis avec lui, on dirait que là, ils n'ont pas lâché le rythme, mais au contraire, ils ont accéléré un peu. Et ils ont fini ça avec un cover de... Ben, quand je l'ai écouté, je ne savais pas que c'était un cover. C'est du groupe Fear, en fait, de Foreign Policy. J'ai écouté la version originale, qui est bonne, qui est dans un esprit différent, mais en tout cas... Il y a un YouTuber qui s'est exprimé en disant « Dave a le don de choisir des covers bizarres. » En passant, j'aime toujours le cover de Nancy Sinatra qui a fait sur le premier album, qui, je pense qu'il est, avec du recul, je dois l'avouer, je pense qu'il est mon favori avec Rust in Peace. Le Killing is My Business. Mais on parle quand même d'une autre époque, d'une autre production complètement. Fait que moi, en tout cas, c'est un album qui m'a satisfait. Est très recommandable, contrairement à son précédent d'ailleurs. Mais moi, ma question qui me vient à l'esprit, c'est de tous les derniers albums de chacun des bands du Big Four, lequel qui est le plus fort selon toi? Si on parlait d'Anthrax tantôt, ou The Slayer, ou Metallica, ou Megadeth. Non, au niveau de la production, au niveau de la création, au niveau de l'exécution, Megadeth remporte la palme d'or, c'est clairement. On a juste regardé ici, on a 5-6 albums. Pendant ce temps-là, Anthrax ont réussi à en faire 2, Metallica ont réussi à en faire 1. Slayer, on fait du Slayer, mais c'est un peu du redondant avec World Painted Blood et Christ Illusion avant. Donc Megadeth, à chaque disque, ont réussi à faire quelque chose du bon, du mauvais, mais ils ont été productifs. Mustaine a été productif tout le temps. Tout en prenant en considération les problèmes internes, le changement de personnel à chaque album. Megadeth, dans les Big Four, c'est eux qui sont les plus productifs, musicalement parlant, au niveau d'être un riff generator, le Mustaine remporte la palme d'or. Fait que finalement, Dave, c'est une tête dure, et peu importe pour le bon ou pour le moins bon, mais peu importe ce qu'on en dit, il continue de livrer du matériel, puis là, c'en est un vraiment bon. Alors, c'est un incontournable, puis encore aujourd'hui en 2016, il y a du monde qui vont écouter Megadeth la première fois, ils vont dire « Wow, c'est élevé », puis ils vont reculer dans leur discographie, ils vont tomber en 2001, puis ils vont écouter, ou en 2003, ils vont écouter System Asphalt, ils vont dire « Wow, c'est élevé », puis ils vont reculer tranquillement, puis ils vont éventuellement, ils vont se rendre jusqu'à So Far, So Good, So What, puis Peace Sells, puis ils vont découvrir un autre Megadeth, puis ils vont se rendre compte que justement Dave Mustaine est un leader dans cette musique-là, rien de plus, rien de moins, un incontournable. Alors, les pièces que tu as choisi, deux pièces sur l'album, c'est lesquelles et pourquoi? Ben, j'ai choisi la pièce titre Dystopia. Je pense que c'est la plus simple à retenir. C'est la pièce numéro 2 qui englobe rapidement l'album côté riff et côté exécution. Et ensuite, Post-American World, juste à cause du titre, parce qu'évidemment, on parlait au début que Dave a des positions politiques très fortes, et ça depuis très longtemps. Donc, on voit que depuis le 11 septembre, si on regarde plusieurs des titres des albums qui sont sortis depuis le 11 septembre 2001, ouais, il y a beaucoup de choses qui traitent justement sur la vision post-américaine et comment que le gouvernement gère ces situations-là ou ces situations-là, que ce soit au niveau stratégique, au niveau économique, financier et ou au niveau militaire aussi. Donc, je pense que le terme post-American World est justement dans un peu un synonyme dans quelle planète on vit présentement en 2015-2016. Fait que finalement, Dave, c'est une tête dure qui n'a pas fini de gérer toutes les conspirations et compagnie. Fait que ça l'a auguré pour du bon cette fois-là. Fait qu'on y va avec Dystopia. Vous écoutez Subversion en direct de cette cathédrale du manger pour ce Metal for Breakfast Part 2. À bientôt! Underground Québec Radio. Tonight we've got Megadeth, comme dirait David Letterman. C'était-tu l'autre? C'est-tu l'autre? Celui qui avait dit ça? C'est l'autre, là, Jay Leno. Ah, je m'en rappelle plus. En tout cas, Wahefa. Megadeth avec Lying in State, c'était précédé de Dystopia, aussi la pièce titre. Donc, deux pièces choisies par notre ami Mike TMG lors de ce concert. Il n'y a pas eu de concert là. Oui, il y avait une espèce de faux band en arrière. Je crois que vous avez remarqué là, un genre de band de vieux restaurants européens là. Et oui, des imposteurs. Bref, oui, on s'est bien amusé pour ce Metal for Breakfast. J'espère que vous avez apprécié. On va sûrement se redonner un autre rendez-vous dans un futur approché pour un autre débat sur un disque ou un artiste quelconque. Sûrement encore dans notre banquette attitrée à Subversion. Oui, on est en main. T'avais amené toute une équipe technique avec nous autres. Puis, en tout cas, du fun à venir, je le sens. Bref, je vous en aviserai à l'avance. Donc, c'est ça qui clôture cette émission de Subversion. Je vous rappelle encore une fois de visiter les pages web suivantes. Subversion, SoundCloud, Metal, Show pour les balados de diffusion. Hurlemort.com pour les critiques de Sinistros et aussi toutes les balados aux diffusions antérieures de l'émission Subversion, ainsi que les pages de nos amis assez fous Alain Lefebvre avec Rock Classic, le www.rockclassic.net, et le Dr Pendragon avec son émission Réanimation, www.reanimationad.com. Donc je vous invite à visiter tout ça, et oui, les podcasts sont toujours disponibles pour écouter ces émissions merveilleuses. Alors il n'y a pas de quoi s'ennuyer sur Internet, je vous le dis. Alors lâchez là énergie puis TVA puis ces affaires là ces niaiseries là. Bref, trêve de blabla, et puis je vous quitte sur ce et je vous convie à un autre rendez-vous la semaine prochaine. Spread the word pour Subversion. Sans faute. Salut. Sans faute.